Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Centre pour l'Action Non-Violente, de l'association Sortir de la Violence et de l'association pour la Communication Non-Violente. Il existe aussi grâce à vous qui écoutez, qui partagez et grâce aux généreux donateurs et donatrices qui aident à la fabrique de cette émission. Merci beaucoup. Sachez que j'anime désormais des ateliers créatifs de sensibilisation à la force de la non-violence à destination de tout public à partir de 14 ans. Toutes les informations sont sur mon site force-nonviolence.fr. Parlez-en autour de vous. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Aïssa. Un peu avant l'été, j'ai vu le film « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Herry. Il plonge pour la première fois le grand public au cœur d'un processus judiciaire alternatif à la justice pénale. Ce processus s'appelle la justice restaurative. Ce film m'a tellement émue que j'ai souhaité immédiatement en parler dans le podcast. Et j'ai eu la chance que mes amis de l'association belge Sortir de la Violence me mettent sur la piste d'une des rares personnes en Belgique à pratiquer depuis près de 20 ans la justice que pour sa part il appelle « réparatrice ». Philippe Landen, qui est aumônier de prison, s'est formé au Canada. Il se tient aux côtés des victimes comme aux côtés des coupables. Il compatit aux peines des unes et des autres dans le même désir de remettre de la vie là où il y a eu blessure, traumatisme, mort. Ne croyant à la prison que comme à un temps de neutralisation nécessaire, il ne cesse d'œuvrer dans le sens d'une humanisation de la justice et de ces lieux d'enfermement qui, sans pour autant résoudre le problème de la criminalité, privent bien souvent les détenus de leur dignité. Philippe Landen, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? Je ne sais pas si ça existe, mais j'en rêve. Je partirai d'abord de ce qui est pour moi la définition de la violence, celle que je la ressens. Moi, je dirais que la violence, pour moi, c'est le bruit que fait une souffrance qui n'est pas entendue. Travaillant en milieu pénitentiaire, dans tout le monde de la justice pénale, j'ai été tout le temps confronté à des expressions de violence un petit peu démesurées, avec beaucoup de souffrance derrière. Mais presque toujours, j'ai l'impression que la violence a émergé parce qu'il n'y avait pas, au départ, un espace de respect, d'écoute, d'accompagnement de personnes qui étaient en grande souffrance. Et à un moment donné, je crois que malheureusement, humainement, si on n'a pas l'occasion d'exprimer avec des mots, avec des signes, avec des symboles, dans un cadre de communauté où on se sent respecté, ce qu'on ressent comme effet des traumatismes qu'on a vécu, ben ça ressort autrement. Et donc la non-violence, pour moi, c'est chaque fois qu'on peut promouvoir un espace simplement de tolérance, de respect et d'écoute, on contribue, je crois, à éviter l'émergence d'une violence qui est malheureusement, chaque fois, simplement l'explosion d'une souffrance. Vous avez été aumônier de prison pendant 38 ans. Qu'est-ce qui a déterminé cette vocation, si c'en est une ? Ma vocation à la prison est plus ancienne presque que ma vocation de prêtre jésuite, puisque je suis prêtre jésuite. Tout commence en fait, j'ai 17-18 ans et je participe à une rencontre de l'Arche. Et pendant cette rencontre, à un moment donné, l'échange va porter sur les hommes en prison et les retraites que certains membres de l'Arche animaient dans les prisons canadiennes. Et le récit des différentes rencontres vécues dans ces retraites me donne une image mais tellement touchante des personnes incarcérées Je me souviens très bien que je suis revenu de cette rencontre en disant, si vraiment là au plus profond, il y a des personnes qui peuvent avoir un sursaut d'humanité alors que plus personne n'attend rien d'eux, ben c'est là qu'il faut aller chercher la source, quoi. Hein, c'est un petit peu de là qu'est partie ma vocation d'aumônier de prison, je dirais. Alors bon, après ça, j'ai fait des études de droit, enfin, j'ai rencontré le monde de la prison de multiples façons. Mais pendant tout le temps de ma formation de jésuite, j'ai toujours visité les prisons, rencontré des détenus. Et tout naturellement, une fois que j'ai été ordonné, on cherchait un aumônier de prison. Mmh. Moi, j'étais partant. Et est-ce que vous vous souvenez de votre première visite en prison ? Ah oui, tout à fait. Je m'en souviens très bien parce que d'emblée, elle m'a ouvert un petit peu à l'absurdité de la violence institutionnelle de la prison. C'était à la prison de Louvain Central. À l'époque, la prison de Louvain Central, donc on est en 1975, donc ça fait beaucoup d'années. Mais à l'époque, c'était la prison où on mettait toutes les plus longues peines. Moi-même, j'étais étudiant en droit à Louvain. Un professeur de l'université m'avait introduit à la prison comme visiteur de prison. Je me souviendrai toujours, ma première entrée, les odeurs et les bruits. Il y avait à la fois une odeur de margarine brûlée, parce qu'en fait là-bas, les détenus n'avaient pas de plaque chauffante à l'époque, donc ils faisaient chauffer des petits raviers de margarine pour chauffer des boîtes de conserve. Enfin, c'était vraiment du bricolage absolument. Puis l'odeur du tabac qui prenait partout, bah, l'odeur des joints, évidemment du hashish. Enfin, toutes ces odeurs qui tournent dans la prison. Mmh. Et alors le premier détenu que j'ai rencontré, je l'oublierai jamais, il s'appelait Salvatore, c'est un Italien. Il m'accueille dans sa cellule, mais de manière vraiment très, très sympathique. Et d'emblée, il me dit « Ah, écoute, je te fais un café. » Bon, moi, j'étais tout étonné de le voir, alors bricoler sur son petit réchaud à margarine. Il avait une toute petite cafetière italienne, là, et alors il me fait un café très, très fort, mais délicieux. Bon, bref, bon, moi, j'étais très heureux de cet accueil, et donc je prends un café avec lui. Mais alors, la surprise, c'est qu'en sortant de la cellule, un agent pénitentiaire, un surveillant, vient vers moi et me dit de manière un peu agressive « Monsieur, j'ai observé que vous avez pris un café chez ce monsieur, vous avez accepté le café qu'il vous a offert. » Ah ben, j'ai dit « Oui, j'ai trouvé très accueillant, ça m'a fait plaisir, effectivement, d'avoir un moment de partage. » Et alors il me dit « Vous devez savoir qu'un visiteur de prison ne doit rien accepter de la part des détenus qu'il visite. » Car vous ne les connaissez pas encore, vous devez savoir que s'ils vous donnent quelque chose, c'est qu'ils ont bien l'intention de vous manipuler. Et là, je me suis dit d'emblée, comment construire une relation équilibrée, une relation d'accueil, une relation humaine, dans un cadre où il y a cette espèce d'a priori de méfiance qui s'imprime dans tout, le moindre petit geste. Et donc la violence de l'institution, d'emblée, me frappait quand même de manière assez forte. Vous avez souhaité partager le quotidien des détenus au point de vous faire emprisonner volontairement. Et vous racontez cette expérience dans votre livre « Résister en prison ». Est-ce que vous pouvez expliquer ce choix qui peut paraître fou et parler de ce que vous avez vécu à ce moment-là ? Oui, je peux en parler, mais ce n'est vraiment pas une chose qui doit prendre trop de place. Je dirais, à ce moment-là, j'avais déjà travaillé en prison pendant 5 ans comme aumônier. Alors, chez les jésuites, en général, on a un temps qui est une espèce d'année sabbatique après les 5 premières années de travail où on est amené à refaire une année de ressourcement à la fois spirituel et personnel et d'intégration pour confirmer un petit peu l'engagement qui nous habite. Et donc, au départ, bon, on appelle ça une incarcération volontaire, il y a un peu de ça, mais c'était d'abord pour moi un temps de retraite. Et donc, je veux vraiment que les choses soient bien claires. Je n'ai jamais eu la prétention, et je n'en parle d'ailleurs que très rarement, de dire que j'ai vécu ce qu'un détenu peut vivre. Je n'étais pas arraché à ma famille brutalement, je n'étais pas avec un procès judiciaire avec toute sa pression, je ne vivais pas la stigmatisation que vivent la plupart des détenus, je ne vivais pas l'insécurité de ma réinsertion après. Donc c'est tout à fait artificiel, je tiens à le dire. J'avais découvert qu'en Suisse, dans le canton de Fribourg, il y a une vieille loi qui est en désuétude qui permettait de se faire incarcérer. C'était en fait à l'origine prévu pour les personnes sans domicile fixe ou vagabond. La Suisse en hiver, ben, il y fait fort froid. Et donc j'ai utilisé cette loi pour me faire incarcérer. Donc j'ai reçu mon billet d'écrou, je me suis constitué détenu. Et j'ai simplement vécu, voilà, c'est très modeste, mais enfin j'ai vécu 3 mois le quotidien de la prison. Je voulais faire la démarche de voir si est-ce que la foi en Dieu, ça tient la route même quand on est dans un lieu comme celui-là. J'avais besoin de tester ça. C'est facile d'aller faire des retraites dans les montagnes, dans les monastères. Là, bon, c'est, tout est paisible et tranquille. Mais quand on est au cœur d'un lieu comme celui-ci, je voulais savoir si ma foi, ça tiendrait la route. Et est-ce que ça a mis à l'épreuve votre foi ? Je crois que c'est un des moments les plus spirituellement forts que j'ai vécu de toute ma vie. La prison, c'est un lieu de parabole permanent. Ce n'est pas un lieu de théologie, c'est un lieu de parabole, de petites histoires, de récits humains, d'humanité, de rebondissements. Et donc là, il y a une espèce d'intégration entre la foi, le défi de la justice, tout ça, etc. J'ai été au cœur vraiment de tout ce qui m'habite de manière très, très intense. Donc je crois que ma foi était à ce moment-là plutôt vivifiée. Mais ça n'empêche que j'ai découvert ce que c'était que d'avoir un calendrier où on barre tous les jours parce que le temps ne passe pas. J'ai vécu aussi des moments d'insécurité, des moments de doute, des moments de colère aussi, en voyant des tas de choses violentes et pas acceptables. C'est une espèce de bouillonnement intérieur, mais j'ai rarement vécu de manière aussi intense que ces 3 mois-là. Et qu'est-ce qui vous a justement le plus frappé chez les détenus que vous côtoyez à ce moment-là ? Je crois que la plus grande souffrance que j'ai pu partager, c'est le fait de ne pas être vécu comme un homme qui a des sentiments humains normaux. Je donne l'exemple parce que pour moi, c'est l'histoire qui m'est le plus revenue. J'ai travaillé dans un atelier. Alors, on fait des trucs complètement... c'est du travail manuel sans intérêt, évidemment. Enfin, s'il s'agissait de mettre des câbles dans des fiches, enfin, etc., pendant des heures et des heures. À part quelques Kosovars, je crois que j'étais le seul Européen. Il y avait donc beaucoup de gens d'Afrique, d'Amérique latine. Et je travaillais en face de Jaime. Jaime, c'est un Colombien. Et Jaime, je sentais en lui une espèce d'angoisse terrible. Il transpirait, il stressait. Et petit à petit, il a quand même commencé à me faire confiance et m'expliquer. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ce qui le tracassait, c'était que depuis son arrestation, sa femme habitait Genève et elle n'était jamais venue à la visite avec son petit garçon. Il y avait un garçon de 5 ans. Et toute la semaine, c'était le stress. Est-ce qu'elle viendra à la visite ? Est-ce qu'elle va m'amener les petits ? Est-ce qu'elle viendra à la visite ? Alors, au début, on est plein d'empathie, parce qu'on voilà, on partage la même petite table de travail à l'atelier. Donc, j'essayais d'écouter. Mais je me suis rendu compte, plus le temps passait, et plus j'avais du mal à encaisser ce stress et cette angoisse de Jaime. C'était lourd, c'était vraiment très difficile. Enfin, voilà. Un jour, c'est un dimanche... Il était dans le même couloir, dans la même section que moi. Et le dimanche, il ne se passe rien dans cette prison. Mais une chose qu'on découvre, c'est qu'on entend tous les bruits dans la prison. Hein. Le sens de l'ouïe est hyper éveillé. Et donc, à un moment donné, j'entends dans l'après-midi, c'était l'heure des visites, j'entends une porte qui s'ouvre. Et je calcule avec le nombre des pas des surveillants, mais c'est la porte de Jaime, ça. Et je me dis, mais il a visite. Et donc, j'entends passer devant ma porte, et du coup, à travers la porte, « Jaime, Jaime, visita !» Enfin, j'essaye d'un petit peu de me réjouir de sa visite avec lui, etc. « Bon, la visite, hein. » Enfin, je l'encourage à sa visite. Et la première chose qui m'a frappé, c'est que moi, humainement, waouh, mon dimanche était lumineux. Et en plus, je me disais, waouh, demain, au moins, il sera un petit peu moins stressé, ça va être un peu plus cool, il aura des choses à me raconter, en plus, il aura eu sa visite. 10 minutes plus tard... J'entends au bout du couloir la grille qui claque, j'entends un mouvement un peu violent, je ne sais pas ce qui se passe, et puis il me semble que c'est à la porte de Jaime que j'entends de nouveau claquer, mais je ne vois rien, je suis dans ma cellule, et puis j'entends du brouhaha, enfin il y a du passage dans le couloir, je ne sais pas ce qui se passe. Au moment du repas, on ouvre la porte de la cellule, donc directement, ce que je ne peux pas faire, mais enfin moi vite je vais voir à l'œilleton de sa cellule, je me fais un peu enguirlander pour ça, mais je vois qu'il n'est pas dans sa cellule. Alors je demande au surveillant, qu'est-ce qui se passe là pour Jaime, etc. Et alors cette phrase absolument, c'est pas tes oignons, tu dégages et tu rentres dans ta cellule. Et là je dis, comment c'est pas mes oignons, je suis tous les jours avec lui. Je partage son stress, son angoisse humaine au quotidien, minute par minute, heure par heure à l'atelier. Il y a quelque chose qui se passe pour lui. Et cette phrase m'a vraiment fâché. J'ai pas dormi cette nuit-là, j'étais vraiment furieux. Bon, le lendemain, j'arrive à l'atelier, pas de Jaime. Bon, de nouveau, je demande au chef de l'atelier, mais je dis, pourquoi il n'est pas là ? Elle me dit, ah, cachot. Bon, je dis, cachot, c'est pas possible, je me disais vraiment. Puis je dis, pourquoi ? Bah, ça ne te regarde pas. Bon. Et donc, j'ai passé 3 jours savoir que mon copain Rémi était au cachot, alors qu'il avait eu visite, il avait dû y avoir un problème, etc. Et bien, ça a été, de ma détention, trois des journées les plus difficiles. L'histoire, c'est que je vais l'apprendre quand il va ressortir du cachot, c'est qu'il est arrivé à la salle de visite, il a vu sa femme et son petit garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Je n'en sais rien. Mais après 5 minutes, sa femme s'est levée, a pris le petit par la main. « Viens, on s'en va, papa n'a pas changé. » Et là, il a explosé. Et il a voulu retenir sa femme, il a retourné la table, enfin, etc. Il s'est retrouvé au cachot. Alors, elle avait peut-être de bonnes raisons, je ne connais rien de l'histoire, je ne juge pas ça du tout. Mais ce qui me frappe, c'est que ça peut paraître un détail, et ça ne sera jamais dans un dossier pénitentiaire, dans un dossier judiciaire, mais tous les détenus vivent une proximité humaine, même parfois une promiscuité forte, hein, avec d'autres personnes humaines qui sont en souffrance. Mais on ne peut pas imaginer qu'ils peuvent être, je vais prendre le mot fort, en compassion, ou en tout cas en empathie avec les gens avec qui ils vivent au quotidien. Ils sont juste vus comme un cas, un dossier, où il faut voir des pronostics de risque par rapport à des récidives éventuelles. Tout ça. Enfin, ils sont analysés sous toutes les coutures par des grands spécialistes, psy, tout ce qu'on veut, etc. Mais leur vie quotidienne, ou leur survie quotidienne, où ils doivent faire émerger de la solidarité humaine, c'est un truc qu'on nie complètement, qu'on ne voit pas. Oui, je me souviens aussi de la situation de Hazar. C'est un réfugié syrien qui ne sait pas pourquoi il a atterri dans cette prison. Et vous en parlez, que tout le monde finalement est en empathie avec lui parce qu'il n'a rien fait. Oui, il ne sait pas pourquoi il est là. Et finalement, il se laisse même presque mourir de faim. Enfin, c'est tragique. Et je me suis demandé si vous aviez su ce qu'il était devenu ou pas. J'ai jamais su ce qu'il s'est... C'est ça qui est terrible. Hein, c'est que c'est un des temps de ma vie où j'ai été le plus proche parfois du vertige de survie même, hein, que vivaient certains détenus. Et Dieu sait que j'en ai connu malheureusement des suicides en prison. Mais on a l'impression qu'on ne voit pas qu'il peut y avoir un impact humain qui peut être aussi un levier d'ailleurs d'humanité, hein, etc. Dans ces expériences de proximité et de compassion. C'est quelque chose qui est complètement zappé par le système, qui n'est pas vu, qui n'est pas entendu. Et ça, c'est source de violence, hein, quand on n'est pas reconnu dans une solidarité. Et alors, comment cette expérience a modifié par la suite votre façon d'appréhender votre rôle d'aumônier? Ça a été un peu dur, mon retour, parce que d'abord, je ne l'ai jamais raconté, ça, à la prison quand je suis revenu. On ne savait pas que j'avais fait cette expérience-là. Pour tout le monde, même pour ma famille, pour tout le monde, j'étais parti au Canada pendant un an. Mais quelque part, je me sentais beaucoup plus proche des détenus dans leur quotidien, ce qui parfois faisait que comme là, comme aumônier, j'avais une liberté de mouvement, je montais plus aux barricades pour dire « mais écoutez, c'est pas possible, je vais pas laisser ça, etc. » Et je me souviens très bien d'un directeur qui m'a dit « ça vous a pas fait du bien cette année, vous êtes encore plus radical qu'avant. » Mais ceci dit, ça a contribué en tout cas à créer un lien qui dure toujours aujourd'hui, disons de proximité avec beaucoup de personnes incarcérées, oui. Et vous citez l'abbé Pierre dans votre livre « Résister en prison ». Si nous sommes sans colère quand nous voyons les autres bafoués, c'est que nous ne les aimons pas. Là, vous venez de parler de votre radicalité. Est-ce que vous voyez votre mission comme un moyen de transformer ou d'utiliser avantageusement votre colère devant l'injustice du système carcéral? C'est une belle phrase, hein, c'est beau hein, de dire ça, mais oui. Non, c'est sûr que... Je crois que le jour où je ne m'indignerai plus devant une série de mécanismes institutionnels, le jour où je m'y habituerai, il sera temps que j'arrête d'aller en prison. Mais les années passent et je reste sensible à tout ça. Parce que je crois que le système pénal ne sera jamais une solution. C'est au contraire pour moi une amplification de la souffrance et donc de la violence à long terme. Et alors, justement, dans votre livre, vous parlez d'autres formes de justice, notamment vous citez des justices dans des communautés primitives qui sont très différentes. Un jour, au Palais de justice de Bruxelles, il y avait une exposition sur la justice et se trouvait à l'entrée du Palais de justice un grand panneau. Et sur ce panneau se trouvait un petit texte très court qui m'a beaucoup marqué, qui disait « Voici comment la justice est rendue dans la communauté aborigène qu'on appelle les Negritos, dans les Philippines. Quand une personne dans la communauté se rend coupable d'un délit ou d'un crime, la communauté se rassemble autour de cet auteur. La rencontre peut durer un ou plusieurs jours. Mais avant toute chose, chaque personne de la communauté va s'adresser à l'auteur en lui disant quelles sont les bonnes choses et les beaux souvenirs que la personne de la communauté qui s'exprime a vécu avec cet auteur. Et ce sera le début de la procédure. La conviction des Négritos est qu'une démarche de justice n'est possible que si l'on reconnecte l'auteur à ce qu'il a de meilleur au fond de lui-même. Mmh. Et ce petit texte-là, je le mets en parallèle avec un des auteurs australiens, Braithwaite, qui est un des gars qui a le plus étudié la justice restaurative. Il dit « Ce qui est important, c'est que la honte soit une honte qui réintègre. Plus on va tourner dans le cercle des Négritos, plus l'auteur qui vient de faire quelque chose qui a blessé un autre membre de la communauté va se rendre compte, malgré ça, il garde ce regard positif sur moi, il garde cette mémoire positive d'une chose qu'on a pu vivre ensemble, plus sa confusion et sa honte va augmenter, mais c'est une honte qui lui donne la passion de se réintégrer dans la communauté. Mmh. Ce qui est tout à fait le contraire d'une procédure pénale qui est en fait une procédure qui ne fait pas une honte qui réintègre, mais qui est une humiliation qui exclut. Mmh. Avec la diabolisation, quand on entend parfois certains réquisitoires des avocats généraux, enfin, c'est effrayant. C'est vraiment dire que ce monsieur n'est pas capable de vivre avec nous, etc. Mais à aucun moment, on va le reconnecter sur ce qu'il a de meilleur en lui. Et alors, quelle forme de justice actuellement pourrait permettre cette reconnexion dont vous parlez ? Donc, en 2005, j'ai fait un temps sabbatique où je suis allé au Canada. Et là, j'ai vraiment eu l'occasion pendant une année de m'immerger un peu dans toute une série d'expériences de ce qu'on appelle la justice réparatrice. D'autres l'appellent la justice restaurative. Hein. En anglais, on dit restorative justice. Quand on parle de justice réparatrice, la plupart du temps, on va déchaîner une agressivité ou une incompréhension de la part des gens. C'est qui celui-là ? C'est un rêveur ou c'est un naïf ? Qu'est-ce qu'il croit ? Il y a des choses qu'on ne réparera jamais. Hein, c'est ce que les gens... Effectivement, si voilà, on maltraite, on viole, on violente un de tes proches, quand en plus il y a la mort d'une personne humaine, un meurtre, un assassinat, on va dire que c'est irréparable. Donc d'emblée, certains vont dire on va zapper cette approche de la justice. Mais il faudrait que je parle de ça pendant une semaine, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Simplement, quand on parle d'une justice réparatrice, on ne parle pas de réparer comme quand on répare la roue de sa voiture ou on remplace une roue par une autre. Mais le mot « réparateur », en fait, ça vient du latin, hein, « réparere ». Et la racine de « parere », vous la connaissez, parce que, bon, je crois que vous en êtes, qu'est-ce que c'est que les parents ? C'est la même racine. Qu'est-ce que c'est qu'un ovipare ? Le mot « parere », ça veut dire « donner la vie ». Et pour moi, la seule vision qu'on peut avoir de la justice, c'est une justice qui a l'ambition de redonner de la vie là où la vie a été agressée, là où la vie a été abîmée, là où la vie a été parfois supprimée. Comment faire pour redonner de la vie, d'abord pour les victimes, et puis pour toute la communauté autour des victimes, et puis aussi pour l'auteur, qui s'est vu source de mort et qui doit revivre après ça, et les proches de l'auteur. Or, quand on prend la justice pénale classique, je pense qu'on est dans une toute autre logique. La justice pénale, c'est la justice qui fait de la peine. Hein? Donc, puisque l'auteur a fait de la peine, on va faire de la peine en retour. C'est un peu œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion. Et comme dit Gandhi, hein, œil pour œil, c'est la devise qui a rendu le monde entier aveugle. Je te pète un œil, tu m'en repètes un, je t'en repète un, tu m'en repètes un. Ni toi, ni moi, on ne va plus rien y voir. Bon, bien sûr, la loi du talion a été un progrès par rapport justement au déchaînement des vengeances tout à fait irrationnelles et disproportionnées qui pouvaient exister dans une justice ancienne. Et on a dit, on fait un progrès maintenant, on va essayer de faire une proportionnalité de la peine. Alors, qui va penser qu'on peut mesurer la peine de la victime pour faire une peine équivalente à l'auteur ? Comment est-ce qu'on peut mettre dans des plateaux, hein, la fameuse vision de la balance de Thémis, là, qui est une personne dont les yeux sont bandés, hein, la justice pénale. Pourquoi ? Parce qu'elle ne doit pas être touchée par les émotions, elle doit simplement calculer que la peine de l'un soit l'équivalent de la peine de l'autre. Alors justice est faite. Mais qui peut croire à cette tarification pénale complètement abstraite ? Alors, la victime va toujours dire que sa peine n'est pas soulagée. Elle va bien plus loin que ça. Sa peine, elle est là pour toujours. Et l'auteur, il va dire, mais bon, ok, on me met en prison, on a calculé que si je fais autant d'années, ça va aller mieux pour la victime. J'ai compris, je dois payer. Mais alors pourquoi est-ce que ma famille doit payer, mes enfants doivent payer? Pourquoi est-ce qu'après ma prison, je vais continuer à être stigmatisé et je n'ai pas de réinsertion possible, etc. Tout ça veut dire qu'on arrive à une tarification pénale où on va faire croire qu'il a payé ou il n'a pas payé. Et en fait, quand il va sortir de prison, il va se rendre compte que quoi qu'il ait payé, rien n'est terminé. Et la victime n'a pas été entendue. Hein, et ça, c'est... Oui, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'au fond, la justice pénale lèse aussi les victimes. Parce que pour la plupart des victimes, la justice pénale, c'est le seul moyen d'être reconnue en tant que victime. Mmh. Et pour certains cas, je pense au viol des femmes ou à la pédocriminalité, très peu d'agresseurs sont condamnés au final. Donc, que leur dire à ces victimes sur ce que pourrait leur apporter la justice restaurative quand la justice pénale est déjà si défaillante ? Oui. Moi, ce qui me frappe, c'est que la première chose dont une personne qui a été victime a besoin, c'est que la vérité soit dite. Or, qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans le système pénal traditionnel, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence et le droit au silence pour l'auteur. Et la première chose que son avocat va lui dire, oui, mais est-ce qu'ils savent déjà tout ? Est-ce qu'on peut limiter les dégâts de la peine ? Moins tu en dis, et peut-être mieux ça se passera, laisse-moi faire. Et très souvent, dans le théâtre du procès pénal, c'est l'avocat qui va s'exprimer pour voir si les éléments constitutifs d'une infraction selon le droit pénal sont remplis ou pas remplis, et si éventuellement il peut faire en sorte que son client prenne une moindre peine. Et le prévenu comprend que le prix de la vérité risque d'être qu'il va prendre une peine plus lourde. Alors, qu'est-ce que la victime va vivre dans ce procès ? La plupart du temps, elle va assister à un débat ultra technique pour voir si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, pour voir si l'on peut appliquer le tarif pénal à un tel à l'auteur, mais à aucun moment elle ne va avoir la chance d'entendre un auteur qui prend ses responsabilités, qui dit la vérité. Le procès est en fait d'une violence institutionnelle terrible. Alors, la justice réparatrice, elle part de toute autre chose. La question, ce n'est pas la violation de la loi qui permet d'appliquer un tarif et d'infliger une peine. La question, c'est dire qui est en souffrance et où est-ce qu'on donne la parole pour que ces souffrances s'expriment. Et bien sûr, d'abord, qu'est-ce que la communauté autour de la victime va mettre en place pour que les victimes aillent quand même un peu mieux et en tout cas qu'elles soient moins seules. Deuxième question. Si on doit soulager les victimes, la première chose, c'est qu'on va se rendre compte que la victime, elle est tout à fait normalement en train de diaboliser l'auteur. Elle a peur de l'auteur. Or, cet auteur, il n'est pas tombé de la lune. Il vient aussi de la communauté. Est-ce qu'on peut soulager la victime sans essayer de comprendre, mais quel est ce vertige qui a pris à un membre de notre communauté pour qu'il en arrive à faire ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui allait mal ? Et on va souvent découvrir que peut-être lui-même, avant ça, il a vécu d'autres choses aussi. Mmh. Il y a eu d'autres dysfonctionnements dans la communauté. Il faut élargir complètement le faisceau. Et il faut alors commencer à mettre en place des cercles communautaires autour de la victime d'abord, mais aussi autour de l'auteur, pour un jour espérer créer un espace sécurisé où on va dire, aujourd'hui et demain, qu'est-ce qu'on fait pour revivre ensemble ? Et quand vous parliez tantôt d'autres cultures, moi c'est ça qui m'a complètement bouleversé, c'est de découvrir notamment dans des communautés autochtones au Canada, des communautés amérindiennes, mettent en place des cercles de guérison, des cercles d'écoute de la souffrance, où la communauté ensemble cherche comment faire pour apaiser, pour renouer au-delà des déchirures du tissu communautaire. Il y a tout un projet qui se fait de ce côté-là, qui est complètement différent. C'est un autre, mais ça prend du temps. Mmh. Oui, puis vous racontez déjà comment ils font avec leurs enfants. C'est oui. Parce que nous aussi, la justice punitive, c'est dès l'enfance. On punit, voilà, ouais. T'as fait ça, hop, au coin. Enfin, oui. La question du récit, c'est très important. Ouais. Raconter des histoires. Je me souviendrai toute ma vie de cette expérience. J'étais dans une communauté Ojibwe dans le nord de l'Ontario. Et là-bas, ce sont les anciens ont beaucoup d'importance, ce qui représente un peu la sagesse de la communauté. Et à un moment donné, on parlait de la justice pénale et punitive. Mais moi, je ne parle pas la langue Ojibwe, moi je parle en anglais là-bas. Et j'ai employé le mot de punition. Et je sentais qu'il y avait un malaise pour le traducteur qui traduisait dans la langue Ojibwe en parlant de la peine et de la punition. Et à un moment donné, l'aîné m'interrompt. Il me dit, attends un moment, parce que ce mot, qu'est-ce que tu veux dire, punition ? Bah, je dis, une punition, vous savez ce que c'est quand même, vous ne punissez jamais vos enfants. Et alors, il me regarde avec l'air d'un découragement, en disant, mais enfin, voilà encore cette mentalité coloniale occidentale. Mais il dit, mais chez nous, on ne punit pas les enfants, ça n'existe pas. Et ce mot punir, on n'a pas un équivalent dans la langue Ojibwe. Mais je dis, mais comment vous faites alors ? Il dit, mais dis, nous autres, nos enfants, bien sûr, ils font des bêtises comme les vôtres. Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? On leur raconte des histoires. Quand un enfant va faire une bêtise pendant la journée, bien sûr, on est tous témoins de ce qu'il fait. On va arrêter la bêtise dès qu'il y a moyen, évidemment. Mais le soir, nous autres, on est en cercle, en communauté, et c'est notre tradition de nous raconter des histoires. Et à un moment donné, les plus anciens d'entre nous vont raconter une histoire qui va mettre en scène un enfant peut-être du même âge que celui qui a fait la bêtise, et avec beaucoup d'humour, beaucoup de simplicité, ils vont montrer toute l'incohérence du comportement de l'enfant. Et ça va être une histoire passionnante, et tout le monde va se souvenir de cette histoire, et l'enfant le premier va se reconnaître, il va dire « Ah mais alors, mais oui, mais c'est ça qui s'est passé tantôt. » Et la justice, pour nous, c'est une question de pédagogie, c'est une question de raconter des histoires. Mais vous, vous ne vous racontez plus des histoires. Vous vous êtes figé dans des codes et vous voulez juste appliquer des articles de loi, etc. Mais dans vos procès, vous n'entendez pas les histoires. Une personne qui a été victime d'un traumatisme, pour libérer son traumatisme, elle a besoin de raconter. Oui. Et pas de raconter une fois, peut-être de raconter 10 fois, peut-être 100 fois. Et la pire chose qui peut nous arriver quand on est à côté d'une personne qui a été victime, c'est de lui dire, écoute, ça va, tu nous l'as déjà dit. Non. Il faut de l'espace, il faut du temps pour écouter. Et petit à petit, à force de raconter des histoires, les traumatismes vont commencer doucement à se libérer et à être un peu fragmentés. Ce ne sera plus une grosse masse massive de choses intenables. On va fragmenter en différents morceaux de souffrance qui alors peuvent trouver peut-être des réponses. Mmh. Et je dirais que c'est, là, j'arrive alors pour moi, ce qui est le plus important, c'est la question de la responsabilité. Pour moi, la vraie justice, c'est l'espace qui permet aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas déterminer que c'est la faute à qui et comment je peux le punir, mais c'est dire, devant la souffrance, et d'abord la souffrance des victimes, devant toutes ces choses qui ne vont pas, quelle réponse tu es capable de donner pour que ça aille mieux, pour apaiser la souffrance ? Responsibility, la capacité de trouver des réponses. À ce moment-là, la communauté, tant les victimes que les auteurs, on n'est pas ceux à qui on impose une justice, on est des sujets créatifs qui cherchent des réponses ensemble. Mmh. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Et on ne peut pas simplement mettre l'auteur de côté, il fait partie de la solution à chercher. Ça me rappelle un projet, je crois que c'est une américaine, il me semble, ça s'appelle Compassion Prison Project, enfin c'est en anglais, donc je le dis à la française là. Ah oui. Toute une expérience où elle fait entrer, il y a un sac de prisonniers, voilà, oui, et elle leur dit faites un pas dans le cercle si vous avez subi tel traumatisme. Mm-hmm. Et en fait, ils font tous plein de pas, et elle dit mais en fait, c'est les personnes les plus traumatisées de la société qui sont dans ce cercle, oui, qui sont en fait. Prison. Mm-hmm. Et c'est vrai que je l'ai dit l'autre jour. C'était dans un cercle plutôt de femmes. Et il y a une femme qui m'a dit « Oui, mais ça voudrait dire que ce sont seulement les hommes qui sont traumatisés, puisqu'il y a beaucoup plus d'hommes en prison. » Et elle me dit « C'est pas normal. » Non. Alors du coup, j'ai pas su quoi répondre à ça. C'est vrai qu'il y a quand même une violence masculine plus forte. C'est un fait, hein, il ne faut pas le nier, que la violence machiste, la violence domestique, la violence sexuelle est très très compliquée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faudrait en parler très longuement, mais beaucoup disent la justice réparatrice, ça ne marche pas par rapport à la violence sexuelle et à la violence domestique. Mmh. Si on avait des heures devant nous, je pourrais peut-être donner quelques pistes pour dire je crois qu'il faut quand même tenter des expériences qui existent. Mais le problème, c'est que enfermer un homme parce qu'il a commis ça et lui dire tu payes et on ne veut plus te voir pendant autant d'années. Mais qu'est-ce qui prépare cet homme à ressortir et être différent et à ne pas récidiver ? Ça ne résout rien du tout. Bon. Moi, ce que je crois, c'est que cet homme a besoin, à un moment donné, d'être confronté à la réalité de la souffrance des femmes qu'il a fait souffrir. Et pour ça, il y a du travail à faire. Mais on va dire, pour la sécurité des femmes, il vaut mieux les enfermer. Bon. Alors, j'aime bien raconter ça parce que je crois que c'est quelque chose pour moi qui m'a beaucoup marqué. J'étais à Toronto, au Canada. Et un jour, j'entre dans la ville de Toronto et je vois un énorme panneau publicitaire où on voyait briller, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les concertinas, ces espèces de rouleaux de barbelés qu'on met sur les murs de prison. Une photo effrayante avec des concertinas, vraiment, on voyait que c'était tranchant comme la lame du rasoir, etc. Et en dessous, le mot « security », et puis en dessous, « without care ». Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'étymologie du mot « sécurité », c'est simplement, on a ramassé en latin « sine cura », ce qui veut dire « sans soin ». Et l'argument de la société de sécuritaires qui vendait ces concertinas, c'était de dire « vous voulez de la sécurité, mettez des barrières infranchissables et vous ne devez plus vous soucier, you don't care about us ». Et c'est traduit par les détenus avant, « they don't care about us », ils en ont rien à foutre de nous. Et alors, on pense aujourd'hui que la sécurité, c'est « security without care ». Donc, il faut arriver à mettre des murs infranchissables, et comme ça, on sera tranquille. Ça, c'est la vision sécuritaire. Alors, heureusement, en anglais, il y a un autre mot que « sécurité ». C'est le mot « safety ». Et je crois que si on veut promouvoir une sécurité dans la logique de la non-violence, on doit toujours rester profondément attentif à ça. Est-ce qu'on nous parle d'une « security without care » où on pense qu'on crée des murs infranchissables, où en fait les violences vont germer, on va vers des explosions insupportables, ou bien on va vers la « safety ». « Safety », c'est « je serai toujours à tes côtés et je vais me mettre à ton écoute ». Et la sécurité, la vraie sécurité pour les victimes, pour moi, ce n'est pas de mettre un mur pendant des années et de mettre l'auteur de l'autre côté. La vraie sécurité, c'est de dire, qu'est-ce qu'on va mettre comme communauté autour de la victime ? Qu'est-ce qu'on va faire pour écouter la souffrance des femmes, pour les aider à se fédérer entre elles, à exprimer tout ce qui ne va pas, et à faire en sorte que ce message soit entendu aussi par les auteurs ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'il y ait un nouveau dialogue où les hommes puissent à un moment donné comprendre qu'ils ont été complètement formatés dans une culture insupportable et ils sont devenus invivables pour toute une série de femmes. Alors là, on arrive à quelque chose de différent. On vient de vivre à la prison de Marche un atelier de rencontre entre des personnes détenues de longue peine et des personnes victimes. Et ce qui est le plus bouleversant pour moi, c'est de voir à quel moment les auteurs, et c'était des moments d'enfants assassinés, ont pu vraiment, à un moment donné, se parler et se retrouver dans le même vertige de souffrance. On a une maman d'un enfant de 19 ans qui s'est fait poignarder de manière absolument ahurissante. Ça se passe, il est à une terrasse de café, et à un moment donné, un gars rentre dans le café et va se mettre à harceler la serveuse du café de manière tout à fait grossière. Et ce jeune de 19 ans qui est témoin de ça, intervient pour protéger la serveuse. Bon, un peu plus tard dans la soirée, au moment où ce jeune quitte la terrasse du café, il est attendu par l'agresseur qui va le tuer de coups de poignard. Et donc, la maman de ce jeune, bon, elle est évidemment, tout son univers est bouleversé, c'est un jeune magnifique, et elle vit ça très difficilement. Quelques années plus tard, elle va venir participer à un atelier de rencontre avec des auteurs de faits de violence du même type. Et bon, voilà, elle témoigne. Elle va nous expliquer tout ce qui a basculé dans sa vie. Elle va nous parler notamment, le garçon qui est mort, c'était des triplés, donc il a deux sœurs. Et elle me dit, mais voilà, la vie s'est arrêtée à la maison, pas seulement pour mon fils, ça s'est arrêté pour ses deux sœurs. on ne peut plus faire la fête à la maison. Elles ne savent plus vivre, elles ne parlent plus, elles ne célèbrent plus. Mon compagnon a beau essayer de... Le compagnon n'est pas le papa du fils qui est dernier. Il fait tout ce qu'il peut pour me consoler, mais... et lui était là aussi pour témoigner. Il dit, la souffrance est trop forte et régulièrement, elle me renvoie. De toute façon, tu n'es pas son père, tu ne comprends pas. Alors que moi, je fais ce que je peux. Et donc, elle explique ça pendant longtemps. Et à un moment donné, donc le principe quand on fait ces ateliers, c'est qu'on a ce qu'on appelle la talking stone. On met une petite pierre au milieu du cercle. Et pour garantir qu'il y a un grand respect, une grande écoute des personnes les unes des autres, chacune à tour de rôle, ou chacun à tour de rôle qui veut s'exprimer, se lève, va silencieusement chercher la pierre et vient se rasseoir en tenant la pierre. Et donc on leur explique, écoutez, cette pierre, c'est une pierre précieuse parce qu'elle se charge au fur et à mesure de notre rencontre de toutes les émotions, toutes les souffrances, toutes les choses absolument bouleversantes qu'on se fait la confiance de se partager. Et donc c'est une terrible responsabilité de porter cette pierre. Et voilà qu'un des garçons détenus, après avoir entendu le témoignage de cet moment, va se lever et il s'approche, il va prendre la pierre, il vient se rasseoir. Il dit, mais... moi, j'ai tué un homme d'un coup de couteau. Et il veut aller plus loin et il est pris de sanglots. Il n'arrive plus à sortir une seule parole. Et à ce moment-là, je vois cet moment qui se lève et qui s'approche du garçon et qui va s'accroupir devant lui, prendre sa main avec la pierre et puis silencieusement dire, on porte la pierre ensemble. Et on va vivre à un moment où finalement cette pierre précieuse qui est chargée d'un poids de souffrance incroyable, l'auteur et la victime font le choix de la porter ensemble. Eh bien, moi je pense que les 20 personnes qui étaient dans ce cercle de justice réparatrice qu'on a organisé à la prison restent totalement bouleversées. Toutes les lignes ont changé. On est allé dans un partage de ce qu'il y a de plus incommunicable, qui va vraiment au plus profond des traumatismes. J'ai envie de rebondir sur le film « Je verrai toujours vos visages » qui est sorti il y a peu de temps en France, qui, c'est vrai, pour la première fois, met en lumière ce processus de justice restaurative. Mais vous me disiez que ça vous avait mis quand même un peu mal à l'aise, le côté très rapide. Et moi, je me posais la question du temps que ça prend et aussi pourquoi c'est toujours des gens qui ne sont pas en rapport dans leurs histoires qui sont mis en présence. Bon, d'abord, le film est de qualité. Les acteurs sont remarquables, le film est très touchant. Et je comprends que pour promouvoir l'idée de la justice restaurative, c'est un bel outil. Mais en même temps, je suis un peu triste et affecté par le fait que beaucoup de professionnels du monde de la justice qui ont vu ce film sont très critiques ou même agressifs par rapport à ce film en disant « qu'est-ce que c'est que ça ? Nous, on est dans les tribunaux, on sait comment les gens ne disent jamais la vérité, on sait comment c'est pas si simple, il suffit pas de mettre un auteur en face d'une victime pour que tout aille mieux. » Et donc, quelque part, discrédite la justice restaurative à partir du film. Alors, c'est vrai que ce qui manque au film, on ne peut pas lui reprocher, puisque le film, on sait bien qu'il ne peut pas durer plus longtemps, mais c'est tout l'espace du temps. Je dirais, la petite histoire que je viens de raconter maintenant par rapport à cette maman et ce garçon, mais c'est une histoire d'un garçon qui vient de faire des années de prison avec des tas de choses qui se sont passées dans sa vie. Il en a perdu sa femme et ses enfants qu'il ne voit plus. D'un autre côté, cette maman, elle nous l'a expliqué. Mais il y a... on ne peut pas imaginer tout l'impact effrayant du crime qui s'est passé, mais elle a cheminé. Elle fait partie de ce collectif de familles d'enfants assassinés ou avec d'autres familles. Ben, ils se soutiennent, ils se parlent, etc. Enfin, elle a été quand même aidée par des professionnels aussi. Il y a eu tout un gros travail qui s'est fait des deux côtés. Mais ça a mis des années. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. Alors, la seule fonction que je respecte dans la prison, c'est ce qu'on appelle la fonction de neutralisation. Quand on est au cœur d'un drame, c'est évident qu'il faut bien, pendant un temps, mettre à part l'auteur et la victime. C'est indispensable. Et donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus de prison. Mais qu'on dise la prison comme peine, alors là, je ne m'y retrouve plus, parce que l'inflation des peines est tellement démesurée qu'on ne saura plus retrouver de sérénité pour prendre ses responsabilités après. Et ce qui m'ennuie, c'est que souvent, le monde de la justice classique va caricaturer un petit peu ce qu'on propose comme un processus de long terme et qui prend du temps. Et je pense qu'on a été formaté dans cette espèce de logique pénitentiaire et pénale. Alors bon, heureusement, dans l'administration pénitentiaire, il y a toujours des personnes humaines et de qualité à tous les niveaux. Hein. J'ai vu des travailleurs sociaux, des agents pénitentiaires, des directeurs de prison, des psychologues. Il y a des gens remarquables, mais en fait, qui vivent un terrible défi, c'est-à-dire comment faire des brèches dans ce système de violence institutionnelle pour que passe un peu d'oxygène. Comment amener du soin dans un lieu qui devrait être sécuritaire sans soins? Donc on travaille à contre-courant par rapport au mandat. Et la justice restaurative, ça doit être à la demande des détenus, à la demande des victimes? Il y a des conditions préalables, il y a des temps où c'est possible et des temps où ce ne l'est pas. Ça, c'est la première chose à dire. Hein. Mais c'est évident que ce qui est le plus important, c'est la liberté de participer à un processus de justice restaurative, d'abord du point de vue des victimes, bien sûr, mais aussi du point de vue des auteurs, et de leur dire qu'à tout moment du processus, elles peuvent se retirer. Et alors à ce moment-là, on va rebasculer dans le système classique, qui est un petit peu comme un backup de sécurité, c'est un moindre mal, si on peut dire, mais ça reste un mal. Et qu'est-ce qui pousse, selon vous, des victimes ou des détenus à faire ce processus de justice restaurative ? Ah, je pense que c'est un des besoins les plus profonds quand on a des traumatismes profonds, c'est de, quelque part, de défragmenter ces traumatismes et de les laisser remonter à la surface. Et pour que ça remonte, il faut qu'il y ait des conditions. Et les conditions de la justice restaurative, c'est enfin qu'on puisse mettre les choses sur la table et qu'on puisse un peu les dire. Et enfin que la vérité se dise aussi. Et je crois que... Alors bon, vous disiez tout à l'heure, oui, ben, c'est pas les auteurs et les victimes, etc. Je pense qu'ici, on est dans une phase de préparation. Alors, l'idéal, le rêve, certains diront l'utopie, mais ça se passe parfois, c'est d'arriver alors à une médiation réparatrice entre une victime et son auteur. Mais pour ça, il faut d'abord avoir retrouvé une vision moins diabolisée du monde des auteurs et du monde des victimes. Et il faut progresser dans un moment où on sent qu'il y a un dialogue possible et de respect. Et donc, ce sont des conditions préparatoires. Oui. Les formations comme ce que nous donnons en prison, ce sont des auteurs et des victimes de substitution. Mais je dirais, c'est pour introduire à une autre vision, quelque part, pour un petit peu se désintoxiquer de la logique pénale classique aussi. Il y a un autre enjeu que simplement dire « Allez, ta peine, maintenant t'es libre, c'est fini ». Non, c'est pas fini. Moi, j'ai toujours rêvé qu'un jour, il y aurait un autobus devant la prison avec tous les amis des gars quand ils étaient libérés de prison. Mais combien de fois je suis arrivé à la prison très tôt le matin et je voyais dans la brume, là, devant la grosse prison de Lantin, je voyais un gars qui sortait tout seul avec ses deux sacs en plastique, là, etc., et que personne n'attendait. Et encore aujourd'hui, bon, je travaille encore beaucoup aujourd'hui à essayer d'aider des gens à retrouver un domicile. C'est la croix et la bannière. La plupart du temps, les familles finissent par disparaître pendant la longue détention. Comment est-ce qu'on repart? Qu'est-ce qu'on met en place? On n'est pas dans la honte qui réintègre, hein, on est dans le système qui exclut. Seigneur, écoute ma prière. Que mon cri d'homme emmuré parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage dans ma solitude carcérale. Les jours, les nuits, je te lance mes SOS. Je t'en prie, fais-moi un signe. J'ai la désagréable sensation que mon destin se consume à grand feu, que mes os bouillonnent comme la lave en fusion, enfermée que je suis dans cet univers de béton. C'est un extrait d'un psaume écrit par Jean-Marc, un détenu, dans la lettre des catacombes. Alors, qu'est-ce que c'était, les catacombes ? Ouh, là, c'est d'une longue histoire. On va essayer de faire une longue histoire courte. Donc, je vous ai expliqué tantôt que j'avais passé 5 années de travail comme aumônier, puis je suis parti 1 an. Et quand je suis revenu, je me suis retrouvé à l'intérieur de ce qu'on appelle la maison pour peine, des longues peines de Lantin, comme aumônier. Mais je retrouvais là-bas toute une série de détenus que j'avais accompagnés en préventive avant cette année de césure. Et donc, ils entraient tous dans mon bureau alors qu'ils n'étaient pas appelés. Alors, là-bas, il faut toujours sécuriser tous les mouvements. Et à un moment donné, les surveillants ont trouvé ça ingérable. Et puis, ils ont été trouver le directeur et dit, écoutez, on ne peut pas lui laisser ce bureau-là parce qu'il y a trop de monde qui rentre là. En plus, c'est à côté de l'infirmerie où il y a tous les médicaments, les stupéfiants, etc. Sécurité, sécurité. Il faut lui reprendre son bureau. J'ai fait de la résistance pendant quelques mois Je partais pas, parce que tant qu'on ne me donnait pas un autre local, mais je savais que ça allait. Et un jour, c'est Francis, un détenu de longue peine, qui lui avait un petit travail de technicien dans la prison. C'était un détenu de confiance, il connaissait bien la prison. Et il me dit, écoute, dans tel couloir souterrain là-bas, j'ai repéré une cave. C'est une grande cave. Pourquoi tu ne t'installes pas là-bas? Parce que je sais bien, de toute façon, ils vont avoir ta peau, tu vas devoir quitter ton local. Et je vais voir cette cave qui était toute sombre. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Et j'ai un coup de cœur. Quand je suis dans cette cave, en fait, il y a des petits soupirails, là, j'entends, je suis tout près de la cour, le préau. J'avais l'impression que j'entendais battre le cœur de la prison. J'entendais les musiques latino, le reggae, j'entendais les musiques arabes, l'appel à la prière, les petits business de drogue qui se faisaient au préau. Enfin, j'ai l'impression là, je ne peux pas être plus à l'intérieur ou dans le cœur de la prison que ça. Et ça me touchait beaucoup. Et à ce moment-là, un détenu passe devant la porte qui était entrouverte puisque j'étais dans la cave. Il me dit avec un grand sourire, « Ah, tu vois, maintenant, on te met au cachot comme nous », qui me dit. Quelque part, ça, il me trouvait peut-être plus sympathique parce que j'allais au cachot comme lui. Enfin bon, on rigole un petit peu. Et passe un autre détenu. Et lui, en poussant la porte, il dit, « Oh, qui dit, on dirait des catacombes. » Mais je dis, « Tu sais ce que c'est, toi, des catacombes ? » C'est là qu'autrefois, si j'ai bien compris, quand il y avait tous les mecs en uniforme, les Romains qui faisaient chier les chrétiens, c'est là qu'ils devaient aller se planquer quand ils voulaient vivre quelque chose. C'était comme des tombeaux, qui me dit. J'ai essayé une manière de définir les catacombes. Puis je remonte de cette cave et alors là, j'ai passé un moment un peu d'utopie mystique, comme ça je dis, mais au fond, c'est ça ma mission. C'est exactement ce qu'il vient de définir dans un endroit compliqué, avec des uniformes, où on ne respire pas, etc. C'est trouver un lieu où, quand on croit à quelque chose, on peut se retrouver et on peut aller respirer ensemble. Et je dis, ben, dorénavant, être aumônier, pour moi, ce sera la stratégie des catacombes. Bon. Et donc, je suis allé trouver le directeur. Et j'ai dit au directeur, bon voilà, j'ai bien compris que je devrais quitter mon bureau, mais je vous fais une proposition. Mettez à moi cette cave à disposition, vous me donnez quelques détenus qui peuvent m'aider à la retaper, à la repeindre, et je m'installe là. Et là, au point de vue sécurité, il n'y a rien à redire, je suis vraiment à l'intérieur de la prison, vous serez content. Et ça a marché. Mais alors, il y a toujours des dons artistiques extraordinaires chez les détenus. Hein. Et en quelques temps, on a fait de ce lieu un lieu, mais vraiment, c'était magnifique. Il y avait un détenu musulman dont sa maman vendait des petits poufs, là, etc. On a mis un grand tapis, il y avait des poufs, un grand cercle. On a fait un grand calendrier des anniversaires. Il y avait une grande carte du monde où chacun pouvait aller mettre le pays dont il était originaire. On avait évidemment installé un petit peu un éclairage un peu sympathique. Enfin, c'était... Et finalement, j'ai commencé alors à rassembler les détenus là-bas. C'était ouvert, pas seulement aux chrétiens, hein, c'était tout le monde, musulmans, non-croyants, tout le monde venait là. J'avais Fernande, qui était une petite dame, qui était professeure de yoga à la prison, qui participait à ça. Et alors on commençait d'abord par les laisser respirer, se calmer, s'apaiser. Et puis alors on avait un petit fond musical, du djembé d'un gars qui venait du Togo. J'avais un superbe guitariste cambodgien qui était génial, j'avais un italien. Enfin, c'était, on chantait, et puis alors chacun à tour de rôle. Le principe, c'était amener quelque chose qui l'avait aidé à vivre pendant la semaine. Alors ça pouvait être, l'un venait avec une sourate du Coran, un autre un verset biblique, un autre venait avec une chanson de Jacques Brel, un autre venait avec un dessin que son enfant lui avait envoyé de l'école, et puis il montrait le dessin, un autre venait avec une photo de sa fille, etc. Mais c'était tellement beau le partage, et c'était entrecoupé de chants, etc. Puis on fêtait les anniversaires, enfin c'est devenu un beau lieu. Mais alors la suite de l'histoire, c'est que certains, heureusement, ont commencé à être libérés. Et quand ils étaient libérés, ils disaient « Oui, mais moi, je ne sais pas où je vais aller quand je vais sortir, je n'ai plus rien. » Et alors, ils en parlaient aux catacombes. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Certains des libérés sont venus me trouver. Du coup, ils avaient besoin d'aide à Liège. Et alors, c'était amusant, parce qu'il y en a un qui est arrivé, il me dit « Mais c'est où les catacombes à Liège ?» Mais je dis « Écoute, il y a des catacombes à Rome, celle-là, c'est... mais il y a maintenant celle-là, la prison, mais ça, je ne crois pas que tu as envie d'y retourner. » Il me dit « Non, mais je rigole pas, on n'a pas à l'extérieur, un lieu comme les catacombes, où on pouvait vivre un peu et nous entraider. » Et donc, ça a commencé par un local que j'ai emprunté. Ben, je dis, écoute, une fois par mois, on fera une rencontre avec les anciens des catacombes. Et puis j'ai raconté ça aux détenus à la prison. Je dis, vous savez quoi maintenant, il y a Aldo, il y a Francis, il y a Rachid, ils sont dehors, mais on se retrouve encore, il y a les catacombes. Mais alors, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'ils me disent, ah mais alors, je peux dire à ma femme d'y aller alors, parce que j'essaie de lui expliquer ce qu'on vit aux catacombes, à la visite, mais elle n'a pas ça, pourquoi elle ne peut pas aller? Ah ben je dis, elle peut venir, est-ce que mon fils peut venir? Ou alors un gars sortait, ah mais tu iras aux catacombes, tu verras mon frère, il te donnera des vêtements. Et puis c'est devenu une espèce de communauté de base, d'entraide, qui existait des deux côtés du mur. Mmh. Et ça, pour moi, c'était important. Je me dis, c'est ça la stratégie des catacombes, se défier le mur. Et ça a vécu comme ça pendant quelques années. Et puis à un moment donné, André, qui était un visiteur de prison, qui visitait plusieurs gars qui venaient aux catacombes, est venu me trouver. C'est un monsieur qui était ingénieur des mines. Il y avait à Liège un charbonnage qu'on appelait le charbonnage de l'Espérance, d'ailleurs, qui était fermé. Il avait travaillé là, et un jour il est venu me trouver, un peu comme Nicodème pendant la nuit, en me disant « Écoute, c'est trop beau les catacombes, mais vous avez besoin d'un lieu. Ben, » Je dis « Quoi, un lieu ?»« Mais écoute, il y a la vieille conciergerie des charbonnages, elle est à l'abandon. Ne me demande pas comment je m'y prends, mais si tu veux, c'est pour les catacombes. Ben, » Je dis « Écoute, André, je ne suis pas bricoleur, je n'ai pas d'argent, et je suis... » À ce moment-là, j'étais 60 heures semaine à la prison. Je dis « J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Réfléchis quand même. » Et moi, un peu naïf, c'est toujours la question des récits. J'aime toujours bien raconter des histoires aux gars. Et donc, aux catacombes, la semaine suivante, je leur raconte. Vous vous imaginez, quelqu'un qui venait. T'as pas le droit de refuser, ta baraque, on va te la retaper. Et moi, ma famille, elle va t'aider. J'ai mon père qui s'ennuie depuis qu'il est pensionné, il va venir travailler là, etc. Et finalement, un petit coup de folie, on a créé une ASBL pour accueillir le don de cette maison, qui était une maison un peu en ruine. Et avec quelques anciens détenus, quelques familles de détenus, on a retapé la maison. Et cette maison-là, en 2 ans, elle est devenue habitable. Et je suis alors allé habiter là-bas pendant 20 ans. Et j'avais 4 chambres d'accueil pour des personnes de longue peine qui vivaient l'expérience des catacombes et qui ne savaient pas où aller et qui pouvaient venir en transit là-bas au moment de la sortie. Mmh. Alors, la lettre des catacombes, le psaume que vous venez de lire, là, ça, c'est Jean-Marc qui participait régulièrement aux catacombes à la prison. Et il m'avait beaucoup touché parce que, bon, il avait eu des soucis à la prison, tout, il s'est retrouvé en isolement, il a vécu des choses très difficiles. Et un jour, je me souviens qu'il a commencé à hurler en confiance avec moi, mais sa colère, sa solitude, enfin, tout ce qui n'allait pas. Et chaque fois, ça revenait comme un refrain, tu vois, mais. Prier, ça veut rien dire pour moi, prier, ça veut rien dire, etc. Et puis je dis, mais écoute, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'en t'écoutant maintenant, je viens d'entendre un psaume. Ce que tu dis, c'est exactement ce qui se trouve dans la Bible, hein. C'est dans les psaumes. Tu ne sais pas prier, tu dis, mais c'est un psaume, lis un peu les psaumes. Et pendant tout un temps de sa détention, Jean-Marc, en fait, avec ses mots à lui, réécrivait les psaumes. Et on a fait un petit recueil avec tous ces psaumes. Jean-Marc a fait encore un très beau parcours depuis sa libération. C'est quelqu'un qui reste très, très actif. Il est devenu éducateur et il explique un petit peu son vécu. Il a fait des tas de spectacles aussi. C'est un comédien, il fait des choses très belles parce qu'il a été très touché par son itinéraire. Mmh. Vous dites dans « Résister en prison », « Dans l'obscurité de ma cellule, je rêve d'une interruption du Tout-Puissant pour fracturer ce mal qui nous étouffe. » Alors, vu la société dans laquelle nous vivons, ou nous étouffons plutôt, justement, comment ne pas vouloir fuir et qu'est-ce qui vous tient debout? Comment vous gardez espoir? Alors, il y a une phrase du frère Roger Thézée qui m'aide beaucoup, à laquelle je repense très, très souvent, qui dit simplement ceci. « Tiens-toi comme un ferment de paix au cœur des déchirures de la famille humaine. » Ça fait un peu écho, le vieux Silouane qui disait, lui, « Si tu veux savoir si tu as encore de l'espérance, tiens-toi en enfer et ne désespère pas. » Bon. Et ce qui me surprend, c'est que je crois que mon itinéraire m'a amené quand même dans un lieu assez infernal pendant de longues années. Je suis proche de beaucoup de personnes qui vivent des déchirures humaines qui sont très, très lourdes. Mais de pouvoir vivre des moments de compassion, c'est-à-dire des moments pour être passionné à la fois dans la souffrance, mais aussi dans l'amour et dans la solidarité avec ces gens-là, je suis surpris de me sentir très vivant. Mmh. Bien, merci beaucoup, Philippe Landen. Voilà, merci à vous aussi. Merci bien.